Deuxième partie de l'enregistrement. Vous êtes toujours sur le répondeur d'Orion, le spécialiste de la location de véhicules. Nous avons actuellement une promotion à 110 euros, tout frais compris, sur la location de voitures durant le week-end. Si cela vous intéresse, demandez-nous des renseignements. Un de nos employés va vous répondre immédiatement.